France Inter, le 13-14. Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, vous vous intéressez au Premier ministre alors que Jean-Luc Mélenchon demande aux Français de le nommer à Matignon à la faveur des législatives. Emmanuel Macron lui a convoqué sans doute pour la dernière fois ce matin le gouvernement de Jean Castex en Conseil des ministres. Il ne doit pas se tromper dans le choix du futur Premier ministre. Ben oui, le Premier ministre c'est un personnage important. De Gaulle le disait lui-même et sa raison c'était « puisque c'est mon Premier ministre ». Le général d'ailleurs n'aimait guère l'expression « chef du gouvernement ». Le gouvernement et le président, disait-il, ne font qu'un. C'était son interprétation de la Constitution. Est-ce que c'était celle du premier titulaire du poste qu'il a nommé début 1959 ? L'expérience de ce premier titulaire mérite d'être interrogée, d'autant qu'il avait été, en 58, le premier concepteur de la dite Constitution. Il s'agit donc de Michel Debray, dont Perrin vient de nous envoyer une nouvelle édition de sa biographie par Patrick Samuel. Bon, ma génération n'a pas beaucoup aimé la mère Michel, qu'elle représentait systématiquement coiffée d'un entonnoir, alors qu'il n'aimait rien tant que la raison et l'angle droit. Il faut quand même reconnaître que sa Constitution, dont il a animé la rédaction avec un groupe de légistes, fut tout de même adoptée par 80% des électeurs, 15% seulement s'abstenant. Qui pourrait dire mieux aujourd'hui, Jérôme ? Alors rappelons ce que le texte sacré, comme disait Debray, affirme. Le suffrage universel fait crédit aux parlementaires dont le travail est davantage bridé que dans le régime précédent. Rationalisé, affirmait Debray. Cet exécutif est fort et il peut ressourcer sa légitimité en revenant devant le peuple par la voie du référendum. Il a deux têtes, l'Élysée détient la primauté, mais il est à remarquer que dès le début de la cinquième, Matignon voit affluer beaucoup plus de dossiers que du temps des présidents du Conseil de la quatrième. Le gouvernement n'est plus collégial. Debray tient à répéter « j'ai la responsabilité de sa cohésion ». Et ses services sont beaucoup plus étoffés que ceux de l'Élysée, qui est une Rolls sans doute, mais enfin avec un moteur de deux chevaux. Bon, dans son bureau, Michel Debray avait fait fixer un portrait de Richelieu, ce qui en dit long sur ses dispositions. Sauf que De Gaulle n'était pas Louis XIII. Chaque mercredi, Moisan, dans le Canard, la rubrique « La Cour », le dessinait en Louis XIV. Et moquait « Monsieur le prince qui nous gouverne », ça c'était Debray, qui, à entendre l'hebdo du mercredi, n'était en fait qu'un secrétaire. La biographie de Patrick Samuel s'efforce de montrer une réalité beaucoup plus complexe. De Gaulle, à contre-cœur sans doute, a permis à Debray, à son arrivée, de faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée, de solliciter d'elle un vote de confiance. Le pouvoir de nomination au poste important a été partagé entre les deux hommes. Debray n'entendait pas être spectateur en la matière. C'est bien plus tard, souvenons-nous, Sarkozy-Guéant, que cette habitude s'installera, tel le ver dans le fruit. Néanmoins, dès le départ de Debray en 62, De Gaulle choisira pour le remplacer Georges Pompidou, son ancien directeur de cabinet, avec le désir qu'il le redevienne directeur de cabinet. À Matignon, cherchant l'hémicycle pour s'adresser pour la première fois aux députés, Pompidou s'est égaré dans les couloirs du Palais Bourbon qu'il ne connaissait guère. Anecdote significative. S'il y a eu un changement de régime, c'est à ce moment-là, avec le référendum installant l'élection du président au suffrage universel direct, mais remarquez que les constitutionnalistes se refusent toujours à dire que nous sommes dans un régime présidentiel. Revenu au gouvernement plus d'une fois, avec toujours son portrait de Richelieu dans son bureau, que disait Michel Debray de la perspective d'une cohabitation ? Alors la question s'est posée une première fois avant les législatives de 1978. Giscard d'Estaing, dans l'hypothèse d'une défaite, disait « je me retirerai à Rambouillet, je reviendrai à Paris une fois par semaine afin de signer les papiers que me tendra le Premier ministre ». 1986, cette fois, le président Mitterrand perd vraiment les législatives et doit nommer Jacques Chirac. Il ne compte pas se mettre en retraite, tel un notaire, il va se comporter en adversaire. Eh bien, interrogé alors, Debray observe que la majorité peut changer, la Constitution fonctionne toujours. Au fond de lui-même, il doit en être un peu fier. Il a une réputation de raideur, mais son œuvre est souple, plastique. Il fait simplement remarquer que ce moment d'exception ne doit pas durer trop longtemps et qu'il faudra revenir rapidement au suffrage universel pour retrouver l'unité. Ainsi parlait le vieux gardien du sépulcre gaullien. Michel Debray, la biographie de Patrick Samuel, que l'on retrouve aux éditions Perrin. Merci à vous, Jean Lebrun. France Inter.